Chapitre 38. Cet anéantissement se prolongea et il s'y joignit des accidents de santé. La bronchite, les palpitations s'aggravèrent, il se produisit même une congestion pulmonaire qui pendant une semaine retint M. Vulfranc à la chambre et donna l'entière direction des usines à Talwell triomphant. Cependant ces accidents s'amendèrent, mais la prostration morale ne s'améliora pas et au bout de quelques jours il n'y eut plus qu'elle qui inquiéta le médecin. Plusieurs fois, Perrine avait essayé de l'interroger. Mais il lui avait à peine répondu, le docteur Ruchon n'étant pas homme à s'intéresser à la curiosité des gamines. Heureusement, il avait été moins rébarbatif avec Bastien et Mademoiselle Bellhomme, qu'il rencontrait souvent à sa visite du soir, si bien que par le vieux valet de chambre et par l'institutrice, son anxiété était en bien que mal renseignée. « Il n'y a pas de danger pour la vie, » disait Bastien. « Mais Monsieur Ruchon voudrait voir Monsieur se remettre au travail. » Mademoiselle Bellhomme était moins brève, et quand, en venant au château donner sa leçon, elle avait bavardé avec le médecin, elle répétait volontiers à son élève ce que celui-ci avait dit, ce qui d'ailleurs se résumait en un mot, toujours le même. Il faudrait une secousse, quelque chose qui remontât la mécanique morale arrêtée, mais dont le grand ressort ne paraît cependant pas cassé. Pendant longtemps, on l'avait redoutée, cette secousse, et c'était même la crainte qu'elle se produisît inopinément, qui plusieurs fois avait retardé l'opération de la cataracte que l'état général semblait permettre. Mais maintenant on la désirait. Qu'elle se produisit, que M. Vulfranc, sous son impression, reprit intérêt à ses affaires, au travail, à tout ce qui était sa vie, et dans un avenir, prochain peut-être, on pourrait sans doute la tenter avec des chances de réussite, alors surtout qu'on n'aurait pas à redouter les violentes émotions d'un retour ou d'une mort, qu'au point de vue spécial de l'opération, on pouvait également redouter. Mais comment la provoquer? C'était ce qu'on se demandait sans trouver de réponse à cette question, tant il semblait détaché de tout, au point de ne vouloir recevoir ni Talwell, ni ses neveux, pendant qu'il avait gardé la chambre, et d'avoir toujours fait répondre par Bastien à Talwell, qui respectueusement venait à l'ordre 2 fois par jour, le matin et le soir. « Décidez pour le mieux !» Et quand, quittant le lit, il était revenu au bureau, à peine s'était-il fait rendre compte de ce qu'avait décidé Talwell, trop habile, trop adroit et trop prudent, d'ailleurs, pour prendre aucune mesure que le patron n'eût pas prise lui-même. Cette apathie n'empêchait pas cependant que chaque jour, Perrine le conduisît comme naguère dans les diverses usines. Mais le chemin se faisait silencieusement, sans qu'il répondît le plus souvent aux observations qu'elle lui adressait de temps en temps, et arrivé aux usines, c'était à peine s'il écoutait le rapport des directeurs. « Faites pour le mieux, » répétait-il. « Entendez-vous avec Talwell. » Combien de temps cela durerait-il? Une après-midi qu'il revenait de la tournée des usines et qu'ils approchaient de Maraucourt, au trot endormi du vieux cheval, une sonnerie de clairon passa dans la brise. « Arrête !» dit M. Vulfranc. « Il semble qu'on sonne au feu. » La voiture arrêtée, la sonnerie s'entendit distinctement. « C'est le feu !» dit M. Vulfranc. « Vois-tu quelque chose ?»« Un tourbillon de fumée noire. »« De quel côté ?»« À travers le rideau des peupliers, je ne peux pas me reconnaître. »« À droite ou à gauche ?» Plutôt à gauche. À gauche, c'était vers l'usine. Faut-il mettre Coco au galop? Demanda-t-elle. Non, seulement va plus vite. En approchant, la sonnerie leur arrivait plus claire, mais comme ils tournaient selon le caprice des entailles bordées de peupliers, Perrine ne pouvait fixer l'endroit précis d'où s'élevait la fumée. Il semblait que c'était du centre du village et non de l'usine. Elle fit cette observation à M. Vulfranc, qui ne répondit rien. Ce qui la confirma dans cette idée, ce fut que la sonnerie se faisait entendre, maintenant, tout à gauche, c'est-à-dire aux environs de l'usine. « On ne sonne pas là où est le feu, » dit-elle. « Voilà qui est bien raisonné, » répliqua M. Vulfranc. Mais il fit cette réponse d'un ton presque indifférent, comme s'il n'y avait pas intérêt pour lui à savoir où était le feu. Ce fut seulement en entrant dans le village qu'ils furent fixés. « Ne vous pressez pas, M. Vulfranc, » cria un paysan. « Le feu n'est pas chez vous. » « C'est la maison à la Tiburce qui brûle. » La Tiburce était une vieille ivrogne qui gardait les enfants trop petits pour être admis à l'asile et habitait une misérable chaumière, usée, à moitié effondrée, située au fond d'une cour aux environs des écoles. « Allons-y, » dit M. Vulfranc. Il n'y avait qu'à suivre les gens qui couraient. Maintenant, on voyait la fumée et les flammes s'élever en tourbillon au-dessus des maisons, et l'on respirait une odeur de brûlé. Avant d'arriver, ils durent arrêter sous peine d'écraser les curieux qui, pour rien au monde, se seraient dérangés. Alors M. Vulfranc descendit de voiture et, guidé par Perrine, traversa les groupes. Comme ils approchaient de l'entrée de la maison, Fabry, le casque en tête, car il commandait les pompiers de l'usine, vint à eux. « Nous sommes maîtres du feu, » dit-il, « mais la maison est entièrement brûlée, et ce qui est plus grave, plusieurs enfants, 5 ou 6 peut-être, ont péri. Un est enseveli sous les décombres, 2 ont été asphyxiés, les 3 autres, on ne sait pas. » « Comment le feu a-t-il pris ? » ?»« La Tiburce s'était endormie ivre, elle l'est encore. Les enfants les plus grands ont joué avec des allumettes. Quand tout a commencé à flamber, ils se sont sauvés. La Tiburce épouvantée en a fait autant, oubliant ceux au berceau. » Une clameur sortait de la cour, accompagnée de cris. M. Vulfranc voulut se diriger de ce côté. « N'allez pas par là, » dit Fabry. « Ce sont les 2 mères des enfants asphyxiés qui les pleurent. Qui sont-elles ? » « Des ouvrières des usines. Il faut que je leur parle. » Il appuya sa main sur l'épaule de Perrine pour dire qu'elle devait le conduire. Précédé de Fabry, qui leur fit faire place, ils entrèrent dans la cour où les pompiers noyaient les décombres de la maison effondrée entre ses 4 murs restés debout, et sous les jets d'eau, des tourbillons de flammes jaillissaient de ce foyer avec décrépitement. D'un coin opposé, encombré de femmes, partaient les cris qu'ils avaient entendus. Fabry écarta les groupes et M. Vulfranc, précédé de Perrine, s'avança vers les 2 mères qui tenaient leurs enfants sur leurs genoux. Au milieu de ses larmes, l'une d'elles, qui croyait peut-être à un secours suprême, le vit paraître. Alors, reconnaissant que ce n'était que le patron, elle étendit vers lui un bras menaçant. « Venez donc vers ce qu'on fait de nos enfants, pendant qu'on s'extermine pour vous. C'est-il vous qu'allez y rendre la vie ? Oh, mon pauvre petit !» Et se penchant sur son enfant, elle éclata en cris et en sanglots. Un moment, M. Vulfranc resta indécis, puis il dit à Fabry « Vous aviez raison, allons-nous-en. » Ils rentrèrent au bureau et il ne fut plus question de l'incendie, jusqu'au moment où Talouel vint annoncer à M. Vulfranc que sur les 6 enfants qu'on croyait morts, 3 avaient été retrouvés en bonne santé chez des voisins où on les avait portés dans les premiers moments d'affolement. Il n'y avait donc réellement que 3 victimes, dont l'enterrement venait d'être fixé au lendemain. Quand Talouel fut parti, Perrine, qui depuis le retour à l'usine était restée plongée dans une réflexion profonde, se décida à adresser la parole à M. Vulfranc. « N'irez-vous pas à cet enterrement ? » demanda-t-elle avec un frémissement de voix qui trahissait son émotion. « Pourquoi irais-je ? » « Parce que ce serait votre réponse, la plus digne que vous puissiez faire, aux accusations de cette pauvre femme. » « Mes ouvriers sont-ils venus au service célébré pour mon fils ? » ?»« Ils ne se sont pas associés à votre douleur. Vous vous associez à celles qui les atteignent. C'est une réponse aussi cela, et qui serait comprise. » »« Tu ne sais pas combien l'ouvrier est ingrat. » »« Ingrat pourquoi ? Pour l'argent reçu ? C'est possible. Et cela vient peut-être de ce qu'il ne considère pas l'argent reçu au même point de vue que celui qui le donne. N'a-t-il pas des droits sur cet argent qu'il a gagné lui-même ? Cette ingratitude-là existe peut-être, telle que vous dites, mais l'ingratitude pour une marque d'intérêt, pour une aide amicale, croyez-vous qu'elle soit la même ? C'est l'amitié qui fait naître l'amitié. On aime ceux dont on se sent aimé, et il me semble que si nous nous faisons l'ami des autres, nous faisons des autres nos amis. C'est beaucoup de soulager la misère des malheureux, mais comme c'est plus encore de soulager leur douleur en la partageant. Elle avait encore bien des choses à dire dans ce sens, lui semblait-il, mais M. Vulfranc ne répondant rien et ne paraissant même pas l'écouter, elle n'osa pas continuer. Plus tard, elle reprendrait ce sujet. Quand ils passèrent devant la véranda de Talouel pour rentrer au château, M. Vulfranc s'arrêta. « Prévenez, monsieur le curé, dit-il, que je prends à ma charge les frais de l'enterrement des enfants. Qu'il ordonne un service convenable, j'y assisterai. » Talouel eut un haut-le-corps. « Faites afficher, continua M. Vulfranc, que tous ceux qui voudront se rendre demain à l'église en auront la liberté. C'est un grand malheur que cet incendie. » « Nous n'en sommes pas responsables. » « Directement, non. » Ce ne fut pas la seule surprise de Perrine. Le lendemain matin, après le dépouillement de la correspondance et la conférence avec les chefs de service, M. Vulfranc retint Fabry. « Vous n'avez rien de pressé en train, je pense. » Non, monsieur. Eh bien, partez pour Rouen. J'ai appris qu'on avait construit là une crèche modèle dans laquelle on a appliqué ce qui s'est fait de mieux ailleurs. Non, la ville, il y aurait eu concours et par suite routine, mais un particulier qui a cherché dans le bien à faire un hommage à des mémoires chères. Vous étudierez cette crèche dans tous ses détails. Construction, chauffage, ventilation, prix de revient et dépenses d'entretien. Puis vous demanderez à son constructeur de quelle crèche il s'est inspiré. Vous irez les étudier aussi, et vous reviendrez aussi vite qu'il vous sera possible. Il faut qu'avant 3 mois nous ayons ouvert une crèche à la porte de toutes mes usines. Je ne veux pas qu'un malheur comme celui qui est arrivé avant-hier se renouvelle. Je compte sur vous. N'ayons pas la charge d'une pareille responsabilité. » Le soir, la leçon que Mademoiselle Belhomme donnait à Perrine, qui avait raconté cette grande nouvelle à l'institutrice enthousiasmée, fut interrompue par l'entrée de M. Vulfranc dans la bibliothèque. « Mademoiselle, dit-il, je viens vous demander un service en mon nom et au nom des populations de ce pays. Service considérable, d'une importance capitale par les résultats qu'il peut produire, mais qui, je le reconnais, exige de votre part un sacrifice considérable aussi. Voici ce dont il s'agit. » Ce dont il s'agissait, c'était qu'elle donna sa démission pour prendre la direction des 5 crèches qu'il allait fonder. Après avoir cherché, il ne trouvait qu'elle qui fût la femme d'intelligence, d'énergie et de cœur, capable de mener à bien une tâche aussi lourde. Les crèches ouvertes, il les offrirait aux communes de Maraucourt, Saint-Pipois, Hercheux, Bacourt, Flexel, avec un capital suffisant pour subvenir à leur entretien à perpétuité, et il ne mettrait pour condition à sa donation que l'obligation de maintenir à leur tête celle en qui il avait toute confiance pour assurer le succès et la durée de son œuvre. Ainsi présentée, la demande ne pouvait pas ne pas être accueillie. Mais ce ne fut pas sans déchirement, car le sacrifice, comme l'avait dit M. Vulfranc, était considérable pour l'institutrice. « Ah, monsieur, s'écria-t-elle, vous ne savez pas ce que c'est que l'enseignement ?» Donner le savoir aux enfants, c'est beaucoup, je le sais, mais leur donner la vie, la santé, c'est quelque chose aussi, et ce sera votre tâche, elle est assez grande pour que vous ne la refusiez pas. Et je ne serais pas digne de votre choix si j'écoutais mes convenances personnelles. Après tout, je me prendrais moi-même pour élève, et j'aurais tant à apprendre que mon besoin d'enseignement trouvera à s'employer largement. Je suis à vous de tout cœur, et ce cœur est plus ému qu'il ne saurait l'exprimer. Pénétré de gratitude, d'admiration. Si vous voulez parler de gratitude, ce n'est pas à moi qu'il faut en adresser l'expression, mais à votre élève, mademoiselle. Car c'est elle qui, par ses paroles, par ses suggestions, a éveillé dans mon cœur des idées auxquelles j'étais jusqu'alors resté étranger, et m'a mis dans une voie où je n'ai encore fait que quelques pas, qui ne sont rien à côté de la route à parcourir. « Ah, monsieur !» s'écria Perrine, enhardie de joie et de fierté. Si vous vouliez encore en faire un, pour aller où? Quelque part où je vous conduirai ce soir. Alors tu ne doutes de rien. Ah, si je ne doutais de rien. Est-ce de moi que tu doutes? Non, monsieur, de moi seul. Mais cela n'a aucun rapport avec ce que je vous demande en vous proposant de vous conduire quelque part ce soir. Mais où veux-tu me conduire ce soir? En un endroit où votre présence, pendant quelques minutes seulement, peut produire des résultats extraordinaires. Encore ne peux-tu me dire quel est cet endroit mystérieux? Si je vous le disais, l'effet que j'attends de votre visite serait manqué. Il fera beau et chaud ce soir. Vous n'aurez pas à craindre de gagner effroi. Laissez-vous décider. Il semble qu'on peut avoir confiance en elle, dit Mademoiselle Belhomme, bien que cette proposition se présente sous une forme un peu bizarre et enfantine. Allons, qu'il soit fait comme tu veux, je t'accompagnerai ce soir. À quelle heure fixes-tu notre expédition? Plus il sera tard, mieux cela vaudra. » Dans la soirée, il parla plusieurs fois de cette expédition, mais sans décider Perrine à s'expliquer. « Sais-tu que tu en es arrivé à piquer ma curiosité? Quand je n'aurai obtenu que cela, est-ce que ce ne serait pas déjà quelque chose? Ne vaut-il pas mieux pour vous rêver à ce qui peut se produire tantôt ou demain que vous anéantir dans les regrets de ce que vous espériez hier? Cela vaudrait mieux si demain existait maintenant pour moi. Mais à quel avenir veux-tu que je rêve? Il est plus triste encore que le passé, puisqu'il est vide. » Mais non, monsieur, il n'est pas vide, si vous songez à celui des autres. Quand on est enfant et pas heureux, On pense souvent, n'est-ce pas, à tout ce qu'on demanderait à un magicien tout-puissant, à un enchanteur si on le rencontrait, et qui n'a qu'à vouloir pour réaliser tous les souhaits. Mais quand on est soi-même cet enchanteur, est-ce qu'on ne pense pas quelquefois à ce qu'on peut faire pour rendre heureux ceux qui ne le sont pas, qu'ils soient enfants ou non, puisqu'on a aux mains le pouvoir? N'est-ce pas amusant de s'en servir? Je dis amusant parce que nous sommes dans une féerie, mais dans la réalité, il y a un autre mot que celui-là. La soirée s'écoula dans ses propos. Plusieurs fois, M. Vulfranc demanda si le moment n'était pas venu de partir, mais elle le retarda tant qu'elle put. Enfin, elle annonça qu'il pouvait se mettre en route. La nuit était chaude, comme elle l'avait prévu, sans vent, sans brouillard, mais avec des éclairs de chaleur qui fréquemment embrasaient le ciel noir. Quand ils arrivèrent dans le village, ils le trouvèrent endormi. Pas une seule lumière ne brillait aux fenêtres closes, pas de bruit d'aucune sorte, excepté celui de l'eau qui tombait des barrages de la rivière. Comme tous les aveugles, M. Vulfranc savait se reconnaître la nuit, et depuis leur sortie du château, il avait suivi son chemin comme avec ses yeux. « Nous voilà devant chez Françoise, » dit-il à un certain moment. « C'est justement chez elle que nous allons. Maintenant, si vous le voulez bien, nous ne parlerons pas. Par la main, je vous guiderai. Je vous préviens cependant que nous aurons un escalier à monter. Il est facile et droit. Au haut de cet escalier, j'ouvrirai une porte et nous entrerons. Nous ne resterons là que ce que vous voudrez rester, une minute ou deux. Que veux-tu que je voie, puisque je ne vois pas? On n'a pas besoin de voir. Alors, pourquoi venir? Pour être venu. J'oubliais de vous dire qu'il importe peu que nous fassions du bruit en marchant. » Les choses s'arrangèrent comme elle avait dit, et en arrivant dans la cour intérieure, un éclair lui montra l'entrée de l'escalier. Ils montèrent, et Perrine, ouvrant la porte dont elle avait parlé, attira doucement M. Vulfranc et referma la porte. Alors ils se trouvèrent enveloppés d'un air chaud, âcre, suffocant. Une voix empâtée dit « Qu'est-ce qui est là ?» Une pression de main avertit M. Vulfranc de ne pas répondre. La même voix continua « Couchez donc, la noyelle !» Cette fois, ce fut la main de M. Vulfranc qui dit à Perrine qu'il voulait sortir. Elle rouvrit la porte et ils redescendirent, tandis qu'un murmure de voix les accompagnait. Ce fut seulement dans la rue que M. Vulfranc prit la parole. « Tu as voulu me faire connaître la chambrée dans laquelle tu as couché la première nuit de ton arrivée ici. J'ai voulu que vous connaissiez une des nombreuses chambrées de Maraucourt et des autres villages où couche tout un monde de vos ouvriers, hommes, femmes, enfants, pensant que quand vous auriez respiré leur air empoisonné pendant une minute seulement, vous voudriez faire rechercher combien de pauvres gens ils tuent. » Chapitre 39. Il y avait 13 mois, jour pour jour, qu'un dimanche, par un temps radieux, Perrine était arrivée à Maraucourt, misérable et désespérée, se demandant ce qui allait advenir d'elle. Le temps était aussi radieux, mais Perrine et le village ne ressemblaient en rien à ce qu'ils étaient l'année précédente. À la place où elle avait passé la fin de sa journée, assise tristement à la lisière du petit bois qui couronne la colline, tâchant de se rendre compte de ce qu'était le village et les usines étalées au-dessous d'elle dans la vallée, se trouvent maintenant des bâtiments en construction. Un hôpital en bon air, en belle vue, qui dominera tout le pays et recevra les ouvriers des usines de M. Vulfranc, qui habitent ou n'habitent pas Maraucourt. C'est de là qu'on peut le mieux suivre les transformations de la contrée. Et elles sont extraordinaires, eu égard surtout au peu de temps qui s'est écoulé. Aux usines elles-mêmes, il n'a pas été apporté de changements bien sensibles. Ce qu'elles étaient, elles le sont toujours, comme si, arrivées à leur complet développement, elles n'avaient qu'à continuer la marche régulière de tout ce qui est rigoureusement réglé. Mais à une courte distance de leur entrée principale, là où autrefois s'effondraient de pauvres bicoques occupés par deux garderies d'enfants du genre de celle de la Tiburce brûlée quelques mois auparavant, se montre le toit flambant rouge et la façade mi-partie rosée, mi-partie bleue, de la crèche que M. Vulfranc a fait construire en achetant pour les raser ces vieilles masures croulantes. Sa façon de procéder avec leur propriétaire a été aussi nette que franche. Il les a fait venir Elle réexpliquait que comme il ne pouvait pas tolérer plus longtemps que les enfants de ses ouvrières fussent exposés à être brûlés ou tués par toutes sortes de maladies résultant des mauvais soins qu'ils trouvaient chez celles qui les gardaient, il fallait faire construire une crèche dans laquelle ces enfants seraient reçus, nourris, élevés gratuitement jusqu'à l'âge de 3 ans. Entre sa crèche et leur garderie, il n'y avait pas de lutte possible. S'ils voulaient vendre leur maison, ils les achèteraient moyennant une somme fixe et une rente viagère. S'ils ne voulaient pas, ils n'avaient qu'à les garder. Le terrain ne lui manquerait pas. Ils avaient jusqu'au lendemain matin 11 heures pour se décider. À midi, il serait trop tard. Au centre du village se dressent d'autres toits rouges, beaucoup plus hauts, plus longs, plus imposants. Ce sont ceux d'un groupe de bâtiments à peine achevés, dans lesquels sont établis des logements séparés, des réfectoires, des restaurants, des cantines, des magasins d'approvisionnement pour les ouvriers célibataires, hommes et femmes. Et pour ces bâtiments, M. Vulfranc a employé le même procédé d'expropriation que pour la crèche. Précédemment se trouvaient là plusieurs vieilles maisons appropriées tant bien que mal, en réalité aussi mal que possible, au logement enchambré des ouvriers et en cabinet. Il a fait appeler les propriétaires de ces maisons, et leur a tenu un langage à peu près analogue à celui dont il s'est déjà servi. Depuis longtemps, on se plaint violemment des chambrées dans lesquelles vous couchez mes ouvriers, et c'est aux mauvaises conditions dans lesquelles sont établis ces logements qu'on attribue les maladies de poitrine et la fièvre typhoïde qui tuent tant de monde. Je ne peux pas tolérer cela plus longtemps. J'ai donc résolu de faire construire 2 hôtels dans lesquels j'offrirai aux ouvriers célibataires, hommes et femmes, une chambre séparée et exclusive pour 3 francs par mois. En même temps, j'aménagerai les rez-de-chaussée en réfectoire et en restaurant où je donnerai un dîner composé de soupe, de ragoût ou de rôti, de pain et de cidre pour 70 centimes. Si vous voulez me vendre vos maisons, j'élèverai mes hôtels sur leur emplacement. Si vous ne voulez pas, gardez-les. Ma combinaison est dans votre intérêt, car j'ai ailleurs des terrains où mes constructions me coûteront beaucoup moins cher. Vous avez jusqu'à 11 heures demain pour réfléchir. À midi, il serait trop tard. Sur ces terrains éparpillés un peu partout, on aperçoit d'autres toits en tuiles neuves, tout petits ceux-là, et qui, par leur propreté et leur éclat rouge, contrastent avec les anciennes toitures couvertes de mousse et de sédum. Ce sont ceux des maisons ouvrières dont la construction est commencée depuis peu, et qui toutes sont ou seront isolées au milieu d'un jardinet, dans lequel pourront se récolter les légumes nécessaires à l'alimentation de la famille, qui pour 100 francs par an de loyer aura le bien-être matériel et la dignité du chez-soi. Mais la transformation qui à coup sûr eût frappé le plus vivement, surpris et même stupéfié celui qui serait resté 1 an absent de Maraucourt, était celle qui avait bouleversé le parc même de M. Vulfranc, dans les pelouses qui, en le prolongeant, descendaient jusqu'aux entailles avec lesquelles elles se confondaient. Cette partie basse, restée jusque-là presque à l'état naturel, avait été retranchée du parc par un seau de loup, et maintenant s'élevait à son centre un grand chalet en bois, flanqué d'autres cottages ou de kiosques, construits à la légère, qui donnaient à l'ensemble une apparence de jardin public que précisaient encore toutes sortes de jeux, des manèges de chevaux de bois, des balançoires, des appareils de gymnastique, des jeux de boules, de quilles, des tirs à l'arc, à l'arbalète, à la carabine et aux fusils de guerre, des mâts de cocagne, des terrains pour la paume, des pistes pour vélocipèdes, un théâtre de marionnettes, une estrade pour des musiciens. C'est qu'en réalité, c'est bien un jardin public, celui qui servait au jeu des ouvriers de toutes les usines. Car si pour chacun des autres villages, Hercheux, Saint-Pipois, Bacourt, Flexel, M. Vulfranc avait décidé de faire les mêmes constructions qu'à Maraucourt, il avait voulu qu'il n'y eût pour tous qu'un seul lieu de réunion et de récréation où pourraient s'établir des relations générales qui deviendraient un lien entre eux. Et la simple bibliothèque qu'il avait eue tout d'abord l'intention d'établir s'était transformée, sans qu'elle sût trop sous quelle influence, en ce vaste jardin où, autour des salles de lecture et de conférences qui occupent le grand chalet central, se sont groupés ces jeux d'hiver, dont le développement a exigé une partie même de son parc, de sorte que maintenant le cercle ouvrier protège le château et le fait pardonner. Si rapidement que ces changements eussent été conçus et réalisés, ils n'ont pas été sans produire un vif émoi dans la contrée et même une sorte d'agitation. Les plus hostiles ont été les logeurs, les cabaretiers, les boutiquiers, qui ont crié à la ruine et à l'oppression. N'était-ce pas une injustice, un crime social qu'on vint leur faire concurrence et les empêcher de continuer leur commerce dans les mêmes conditions qu'ils l'avaient toujours pratiqué, au mieux de leurs intérêts, comme il convient à des hommes libres? Et de même que lors de la création des usines, les fermiers s'étaient insurgés contre ces fabriques qui leur prenaient les ouvriers de la terre ou les obligeaient à hausser les salaires. Les petits commerçants avaient joint leur plainte à celle des cultivateurs. C'était tout juste si, quand M. Vulfranc passait par les rues des villages en compagnie de Perrine, on ne les poursuivait pas de huées comme des malfaiteurs. Il n'était donc pas encore assez riche, le vieil aveugle, qu'il voulait ruiner le pauvre monde. La mort de son fils ne lui avait donc pas mis un peu de bonté, un peu de pitié au cœur. Les ouvriers étaient donc imbéciles de ne pas comprendre que tout cela n'avait d'autre but que de les enchaîner plus étroitement encore et de leur reprendre d'une main ce qu'on semblait leur donner de l'autre. Des réunions s'étaient tenues où l'on avait discuté de ce qu'il y avait à faire et dans lesquelles plus d'un ouvrier avait prouvé qu'il n'était pas un imbécile comme tant d'autres de ses camarades. Dans l'intimité même de M. Vulfranc, ou plutôt dans sa famille, ces réformes avaient provoqué autant d'inquiétudes que de critiques. Devenait-il fou? Allait-il se ruiner, c'est-à-dire les ruiner? Ne serait-il pas prudent de le faire interdire? Évidemment, sa faiblesse pour cette petite fille qui faisait de lui ce qu'elle voulait était une preuve de démence sénile que les tribunaux ne pourraient pas ne pas peser. Et toutes les inimitiés s'étaient concentrées sur cette dangereuse gamine qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Qu'importait à cette fille l'argent follement gaspillé, ce n'était pas le sien. Heureusement pour la fille, elle se sentait soutenue contre cette colère dont elle recevait des coups directs ou indirects à chaque instant par des amitiés qui l'encourageaient et la réconfortaient. Comme toujours, Talouel, courtisan du succès, s'était rangé de son côté. Elle réussissait ce qu'elle entreprenait, elle faisait faire à M. Vulfranc tout ce qu'elle voulait, elle était en butte à l'hostilité de ses neveux. C'était plus qu'il n'en fallait pour qu'il se montrât ouvertement son ami. Au fond, que lui importait que M. Vulfranc dépensât des sommes considérables qui en réalité augmentaient la fortune des établissements? Cet argent, ce n'était pas à lui, Talouel, qu'on le prenait, tandis que bien vraisemblablement, les établissements seraient à lui un jour ou l'autre. Aussi, quand il avait pu deviner qu'une amélioration nouvelle était à l'étude, n'avait-il pas raté les occasions de supposer, avec M. Vulfranc, que le moment était propice pour la réaliser. Mais d'autres amitiés, qui plus que celle-là plaisaient à Perrine, c'était celle du docteur Ruchon, de Mademoiselle Bellhomme, de Fabry et des ouvriers que M. Vulfranc avait fait élire pour composer le conseil de surveillance de ces différentes fondations. En voyant comment la gamine avait rendu à M. Vulfranc l'énergie morale et intellectuelle, le médecin avait changé de manière à son égard, et maintenant c'était avec une affection paternelle qu'il la traitait, presque avec déférence, en tout cas comme une personne qui compte. « Cette petite a plus fait que la médecine, » disait-il. « Sans elle, je ne sais vraiment pas ce que M. Vulfranc serait devenu. » Mademoiselle Bellhomme n'avait pas eu à changer de manière, mais elle était fière d'elle, et chaque jour, dans sa leçon, il y avait quelques minutes où, franchement, elle laissait paraître ses vrais sentiments, bien qu'elle savoie que leur expression n'en fût peut-être pas très correcte, de maîtresse à élève. Quant à Fabry, il était associé de trop près à tout ce qui se faisait pour n'être pas en accord avec cette jeune fille à laquelle il n'avait pas tout d'abord prêté attention, mais qui bien vite avait pris une si grande importance dans la maison qu'il n'était plus qu'un instrument entre ses mains. « Monsieur Fabry, vous allez aller à Noisiel étudier les maisons ouvrières. Monsieur Fabry, vous allez aller en Angleterre étudier le Working Men's Club Union. Monsieur Fabry, vous allez aller en Belgique étudier les cercles ouvriers. » Et Fabry partait, étudiait ce qu'on lui avait indiqué, tout en ne négligeant rien de ce qu'il trouvait intéressant, puis au retour, après de longues discussions avec M. Vulfranc, il était arrêté les plans qu'exécutaient sous sa direction l'architecte et les conducteurs de travaux, adjoints à son bureau, devenu depuis peu le plus important de la maison. Jamais elle ne prenait part à ces discussions, jamais elle n'y mêlait son mot, mais elle y assistait, et il eût fallu une stupidité réelle pour ne pas comprendre qu'elle les préparait, les inspirait, et qu'en somme c'était la semence qu'elle avait jetée dans l'esprit ou dans le cœur du maître qui germait et portait ses fruits. Pas plus que Fabry, les ouvriers élus par leurs camarades ne méconnaissaient le rôle de Perrine, et bien que dans leur conseil elle ne se fût jamais permis ni un mot ni un signe, ils savaient très justement peser l'influence qu'elle exerçait, et ce n'était pas pour eux un mince sujet de confiance et de fierté qu'elle fût des leurs. Vous savez, elle a travaillé au Cantière. Est-ce que si elle ne sortait pas du travail, elle serait ce qu'elle est? Il n'eût pas fait bon que devant ceux-là, on parlât de la huée quand elle traversait les rues des villages, les huées commencées auraient été vivement et violemment refoulées dans les gosiers. Ce dimanche-là, Fabry partit depuis plusieurs jours pour une enquête dont M. Vulfranc n'avait pas parlé à Perrine et qu'il avait même paru vouloir tenir secrète, était attendu. Le matin, il avait envoyé de Paris une dépêche ne contenant que ces quelques mots. Renseignements complets, pièce officielle, arriverait midi. Il était midi et demi et il n'arrivait pas, ce qui, contrairement à l'habitude, avait provoqué l'impatience de M. Vulfranc d'ordinaire plus calme. Son déjeuner achevé plus promptement que de coutume, il était rentré dans son cabinet avec Perrine et à chaque instant il allait à la fenêtre ouverte sur les jardins pour écouter. « Il est étrange que Fabry n'arrive pas. Le train aura eu du retard. » Mais il ne se rendait pas à cette raison et restait à la fenêtre d'où elle eût voulu l'arracher, car il se passait dans les jardins et dans le parc des choses dont elle ne voulait pas qu'il eût connaissance. Avec une activité plus qu'ordinaire, les jardiniers achevaient d'entourer de treillages les corbeilles de fleurs, tandis que d'autres emportaient les plantes rares disséminées sur les pelouses. Les grilles d'entrée étaient grandes ouvertes, et au-delà du saut de loup, le cercle des ouvriers était pavosé de drapeaux et d'oriflammes qui claquaient dans la brise de mer. Tout à coup, il pressa le bouton d'appel pour son valet de chambre, et quand celui-ci parut, il lui dit que si quelqu'un venait, il ne recevrait personne. Cet ordre surprit d'autant plus Perrine que le dimanche, habituellement, il recevait tous ceux qui voulaient l'entretenir, petits ou grands, car très avare en semaines de paroles qui font perdre un temps appréciable en argent, il était au contraire volontiers bavard le dimanche, quand son temps et celui des autres n'avaient plus la même valeur. Enfin, un roulement de voiture se fit entendre dans le chemin des entailles, c'est-à-dire celui qui vient de Piquigny. « Ah, voilà Fabry !» dit-il d'une voix qui parut altérée, anxieuse et heureuse à la fois. En effet, c'était bien Fabry qui entra vivement dans le cabinet. Lui aussi paraissait être dans un état extraordinaire, et le regard qu'il jeta tout d'abord à Perrine la troubla, sans qu'elle sût pourquoi. « Un accident de machine est cause de mon retard, » dit-il. « Vous arrivez, c'est l'essentiel. »« Ma dépêche vous a prévenu. »« Votre dépêche, trop courte et trop vague, m'a donné des espérances. Ce sont des certitudes qu'il me faut. Elles sont aussi complètes que vous pouvez les désirer. Alors parlez, parlez vite. »« Le dois-je devant mademoiselle ?»« Oui, si elles sont ce que vous dites. » C'était la première fois que Fabry, rendant compte d'une mission, demandait s'il pouvait parler devant Perrine. Et dans l'état de trouble où elle se trouvait déjà, cette précaution ne pouvait que rendre plus violente encore l'émoi que les paroles de M. Vulfranc et de Fabry, leur agitation à l'un et à l'autre, le frémissement de leur voix, avaient provoqué en elle. « Comme l'avait bien prévu l'agent que vous aviez chargé de faire des recherches, » dit Fabry, qui parlait sans regarder Perrine, la personne dont il avait perdu la trace plusieurs fois était venue à Paris. Là, en compulsant les actes de décès, on a trouvé au mois de juin de l'année dernière un acte au nom de Marie d'Oressani, veuve de Edmond Vulfranc Padavoine. Voici une expédition de l'acte. Il l'a remis entre les mains tremblantes de M. Vulfranc. Voulez-vous que je vous la lise? Avez-vous vérifié les noms? Assurément. Alors ne lisez pas, nous verrons plus tard, continuez. « Je ne m'en suis pas tenu à cet acte, » poursuivit Fabry. « J'ai voulu interroger le propriétaire de la maison dans laquelle elle est morte, qui se nomme Grain de Sel. J'ai vu aussi ceux qui ont assisté à la mort de la pauvre jeune femme, une chanteuse des rues appelée la Marquise, et la Carpe, un vieux cordonnier. C'est à la fatigue, à l'épuisement, à la misère qu'elle a succombé. De même, j'ai vu le médecin qui l'a soignée, le docteur Cendrier, qui demeure à Charonne, rue Riblette. » Il avait voulu l'envoyer à l'hôpital, mais elle a refusé de se séparer de sa fille. Enfin, pour compléter mon enquête, ils m'ont envoyé rue du Château des Rentiers, chez une marchande de chiffons appelée La Rouquerie, que j'ai rencontrée hier seulement, au moment où elle rentrait de la campagne. Fabry fit une pause, et pour la première fois se tournant vers Perrine, qu'il salua respectueusement, J'ai vu Palicard, mademoiselle. Il va bien. » Depuis un moment déjà, Perrine s'était levée, et elle regardait, elle écoutait, éperdue. Un flot de larmes jaillit de ses yeux. Fabry continua. Fixé sur l'identité de la mère, il me restait à savoir ce qu'était devenue la fille. C'est ce que m'a appris la Rouquerie en me racontant la rencontre qu'elle avait faite dans les bois de Chantilly d'une pauvre enfant mourant de faim, retrouvée par son âne. « Et toi ? » s'écria M. Vulfranc, se tournant vers Perrine, qui tremblait de la tête aux pieds. « Ne me diras-tu pas pourquoi cet enfant ne s'est pas fait connaître ? Ne me l'expliqueras-tu pas ? Toi qui peux descendre dans le cœur d'une jeune fille ?» Elle fit quelques pas vers lui. Il continua. « Pourquoi elle ne vient pas dans mes bras ouverts ? Ah, mon Dieu ! Les bras de son grand-père !» Chapitre 40. Fabrice était retiré, laissant tête à tête le grand-père et la petite fille. Mais ils étaient si émus qu'ils restaient les mains dans les mains, sans parler, n'échangeant que des mots de tendresse. « Ma fille, ma chère petite fille, grand-papa !» Enfin, quand ils se remirent un peu du trouble qui les bouleversait, il l'interrogea. « Pourquoi ne t'es-tu pas fait connaître » demanda-t-il. « Ne l'ai-je pas tenté plusieurs fois ? « Rappelez-vous ce que vous m'avez dit un jour, le dernier où j'ai fait allusion à maman et à moi. Plus jamais, tu entends, plus jamais ne me parle de ces misérables. Pouvais-je soupçonner que tu étais ma fille ? Si cette fille s'était présentée franchement devant vous, ne l'auriez-vous pas chassée sans vouloir l'entendre ? Qui sait ce que j'aurais fait ? C'est alors que j'ai décidé de ne me faire connaître que le jour où, selon la recommandation de maman, je me serais fait aimer. » Et tu as attendu si longtemps. N'avais-tu pas à chaque instant des preuves de mon affection ? Était-elle celle d'un père ? Je n'osais le croire. Et il a fallu que mes soupçons s'étant précisés, après des luttes cruelles, des hésitations, des espérances aussi bien que des doutes que tu m'aurais épargnés en parlant plus tôt, j'emploie Fabry pour t'obliger à te jeter dans mes bras. La joie de leur présente ne prouve-t-elle pas qu'il était bon qu'il en fût ainsi ? Enfin, « c'est bien, laissons cela. Et dis-moi ce que tu m'as caché, me laissant poursuivre des recherches que d'un mot tu pouvais satisfaire. En me découvrant, parle-moi de ton père. Comment êtes-vous arrivé à Sarajevo ? Comment était-il photographe ? Ce qu'a été notre vie dans l'Inde, vous pouvez... » Il l'interrompit. « Dis-moi-tu, c'est à ton grand-père que tu parles, non plus à M. Vulfranc. Par les lettres que tu as reçues, tu sais à peu près ce qu'a été cette vie. » Je te la raconterai plus tard, avec nos chasses aux plantes, nos chasses aux bêtes. Tu verras ce qu'était le courage de papa, la vaillance de maman, car je ne veux pas te parler de lui sans te parler d'elle. Ne crois pas que ce que Fabry vient de m'apprendre d'elle, en me disant son refus d'entrer à l'hôpital, où elle aurait peut-être été sauvée, et cela pour ne pas t'abandonner, ne m'a pas ému. Tu l'aimeras, tu l'aimeras. Tu me parleras d'elle. Je te la ferai connaître. Je te la ferai aimer. Je passe donc là-dessus. Nous avions quitté l'Inde pour revenir en France. Quand, arrivé à Suez, papa perdit l'argent qu'il avait emporté. Il lui fut volé par des gens d'affaires, je ne sais comment. M. Vulfranc eut un geste qui semblait dire que lui savait ce comment. N'ayant plus d'argent, au lieu de venir en France, nous partîmes pour la Grèce, ce qui coûtait moins cher de voyage. À Athènes, papa, qui avait des instruments pour la photographie, fit des portraits dont nous vécûmes. Puis il acheta une roulotte, un âne, Palicard, qui m'a sauvé la vie, et il voulut revenir en France, par terre, en faisant des portraits le long de la route. Mais qu'on en faisait peu, hélas, et que la route était dure dans les montagnes, où le plus souvent il n'y avait que de mauvais sentiers, dans lesquels Palicard aurait dû se tuer 20 fois par jour. Je t'ai dit comment papa était tombé malade à Busovača. Je te demande à ne pas te raconter sa mort aujourd'hui, je ne pourrai pas. Quand il ne fut plus avec nous, il fallut continuer notre route. Si nous gagnions peu, quand il pouvait inspirer confiance aux gens et les décider à se faire photographier, combien moins encore y gagnâmes-nous quand nous fûmes seuls. Plus tard aussi, je te raconterai des étapes de misère qui durèrent de novembre à mai, en plein hiver, jusqu'à Paris. Par Monsieur Fabry, tu viens d'apprendre comment maman est morte chez Grain de Sel. Et cette mort, je te la dirai plus tard aussi, avec les dernières recommandations de maman pour venir ici. » Pendant que Perrine parlait, des rumeurs vagues venant des jardins passaient dans l'air. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Monsieur Vulfranc. Perrine alla à la fenêtre. Les pelouses et les allées étaient noires d'ouvriers endimanchés, d'hommes, de femmes, d'enfants, au-dessus desquels flottaient des drapeaux, des bannières, et de cette foule de 6 à 7 000 personnes entassées, et dont les masses continuaient en dehors du parc, dans le jardin du cercle, la route, les prairies, s'élevait cette rumeur qui avait surpris M. Vulfranc et détourné son attention du récit de Perrine, si grand qu'en fut l'intérêt. « Qu'est-ce donc ? » répéta-t-il. « C'est aujourd'hui ton anniversaire ? » dit-elle. Et les ouvriers de toutes les usines ont décidé de le célébrer en te remerciant ainsi de ce que tu as fait pour eux. « Ah vraiment ? Ah vraiment ?» Il vint à la fenêtre comme s'il pouvait les voir, mais il fut reconnu et aussitôt courut de groupe en groupe une clameur qui en se propageant devint formidable. « Mon Dieu, qu'ils pourraient être terribles s'ils étaient contre nous » murmura-t-il, sentant pour la première fois la force de ces masses qu'il commandait. « Oui, mais ils sont avec nous, parce que nous sommes avec eux. Et c'est à toi que cela est dû, petite fille. » Qu'il y a loin d'aujourd'hui au service célébré à la mémoire de ton père dans notre église vide. Voici l'ordre de la cérémonie qui a été adopté par le conseil. Je te conduirai sur le perron à 2 heures précises. De là, tu domineras la foule et tout le monde te verra. Un ouvrier de chacun des villages où sont les usines montera sur le perron et au nom de tous, le vieux père Gatoille t'adressera un petit discours. À ce moment, 2 heures sonnèrent à la pendule. « Veux-tu me donner la main ? » dit-elle. Ils arrivèrent sur le perron et une immense acclamation retentit. Alors, comme cela avait été réglé, les délégués montèrent sur le perron et le père Gatoille, qui était un vieux peigneur de chanvre, s'avança seul à quelques pas de ses camarades pour débiter sa harangue qu'on lui avait fait répéter 10 fois depuis le matin. « Monsieur Vulfranc, c'est pour vous féliciter que... » Mais il resta court, en faisant de grands bras, et la foule qui voyait ses gestes éloquents crut qu'il débitait son discours. Après quelques secondes d'efforts, pendant lesquelles il s'arracha plusieurs poignées de cheveux gris, en tirant dessus comme s'il peignait son chanvre, il dit « Voilà la chose, j'avais un discours à vous dire, mais je ne peux pas en retrouver un mot, ce que ça m'ennuie pour vous. Enfin, c'est pour vous féliciter, vous remercier au nom de tous et de bon cœur. » Il leva la main solennellement. « Je le jure, foi de Gatoille !» Pour être incohérent, ce discours ne remua pas moins M. Vulfranc, qui était dans un état d'âme où l'on ne s'arrête pas aux paroles. La main toujours appuyée sur l'épaule de Perrine, il s'avança jusqu'à la balustrade du perron et se trouva là comme dans une tribune où la foule le voyait. « Mes amis, dit-il d'une voix forte, vos compliments d'amitié me causent une joie d'autant plus grande que vous me les apportez dans la journée la plus heureuse de ma vie, celle où je viens de retrouver ma petite fille, la fille du fils que j'ai perdu. Vous la connaissez, vous l'avez vue à l'œuvre. Soyez sûr qu'elle continuera et développera ce que nous avons fait ensemble, et dites-vous que votre avenir, celui de vos enfants, est entre de bonnes mains. » Disant cela, il se pencha vers Perrine, et sans qu'elle pût s'en défendre, la prenant dans ses bras encore vigoureux, il la souleva, et la présentant à la foule, il l'embrassa. Alors il s'éleva une acclamation poussée et répétée pendant plusieurs minutes par des milliers de bouches d'hommes, de femmes, d'enfants. Puis, comme l'ordre de la fête avait été bien réglé, aussitôt le défilé commença et chacun, en passant devant le vieux patron et sa petite fille, salua ou fit la révérence. « Si tu voyais les bonnes figures, » dit Perrine. Cependant, il y en eut qui ne furent pas précisément radieuses. Celle des neveux, quand la cérémonie terminait, ils vinrent féliciter leur cousine. « Pour moi, » dit Alouel, qui avait voulu se donner le plaisir de se joindre à eux, et qui, d'autre part, tenait à ne pas perdre de temps pour faire sa cour à l'héritière des usines, je l'avais toujours supposé. Des émotions de ce genre ne pouvaient pas être bonnes pour la santé de M. Vulfranc. La veille de son anniversaire, il se trouvait mieux qu'il ne l'avait été depuis longtemps, ne toussant plus, n'étouffant plus, mangeant et dormant bien. Le lendemain, au contraire, la toux et les étouffements avaient si bien repris que tout ce qui avait été si péniblement gagné paraissait perdu de nouveau. Aussitôt, le docteur Ruchon fut appelé. Vous devez comprendre, dit M. Vulfranc, que j'ai envie de voir ma petite fille. Il faut donc que vous me mettiez au plus vite en état de supporter l'opération. Ne sortez pas. Mettez-vous au régime lacté. Soyez calme, parlez peu. Et je vous garantis qu'avec le beau temps dont nous jouissons, l'oppression, les palpitations, là tout disparaîtront et l'opération pourra se faire avec toute chance de succès. Le pronostic du docteur Ruchon se réalisa et un mois après l'anniversaire, deux médecins appelés de Paris constatèrent un état général assez bon pour autoriser l'opération qui, si elle n'avait point toutes les chances pour elle, en avait cependant de sérieuses et de nombreuses. En l'examinant dans une chambre obscure, on constatait que M. Vulfranc avait conservé de la sensibilité rétinienne, ce qui était la condition indispensable pour permettre l'opération, et l'on décidait de la pratiquer avec iridectomie, c'est-à-dire excision d'une partie de l'iris. Comme on voulait l'endormir, il s'y refusa. « Non, dit-il, mais je demande à ma petite fille d'avoir le courage de me tenir la main. Vous verrez que cela me rendra solide. Est-ce très douloureux ? La cocaïne atténuera la douleur. » L'opération faite, le patient ne recouvra pas la vue instantanément, et 5 ou 6 jours s'écoulèrent avant que ne commençât la coaptation de la plaie de son œil recouverte d'un bandeau compressif. Combien furent-elles longues pour le père et la fille, ces journées d'attente, malgré les assurances favorables de l'oculiste resté au château pour pratiquer lui-même les pansements nécessaires. Mais l'oculiste n'était pas à tout. Que se passerait-il si une reprise de la bronchite se produisait ? Une crise de toux, un éternuement, ne pouvait-il pas tout compromettre ? Et de nouveau, Perrine éprouva les angoisses qui l'avaient accablée pendant la maladie de son père et de sa mère. N'aurait-elle donc retrouvé son grand-père que pour le perdre et une fois encore rester seule au monde ? Le temps s'écoula sans complications fâcheuses et M. Vulfranc fut autorisé à se servir, dans une chambre aux volets clos et aux rideaux fermés, de son œil opéré. « Ah, si j'avais eu des yeux !» s'écria-t-il après l'avoir contemplé. « Est-ce que mon premier regard ne t'aurait pas reconnu pour ma fille ? Ils sont donc imbéciles ici de n'avoir pas retrouvé ta ressemblance avec ton père. Talouel serait donc sincère en disant qu'il l'avait supposé ?» Mais on ne laissa pas prolonger ses épanchements. Il ne fallait pas qu'il éprouvât des émotions, ni qu'il toussât, ni qu'il eût des palpitations. Plus tard, le 15e jour, le bandeau compressif fut remplacé par un bandeau flottant. Le 20e, les pansements cessèrent, mais ce fut seulement le 35e que l'oculiste revint de Paris pour décider un choix de verre convexe qui permettrait la lecture et la vision à distance. Avec un malade ordinaire, les choses eussent sans doute marché moins lentement. Mais avec le riche M. Vulfranc, c'eût été naïveté de ne pas pousser les soins à l'extrême et de ne pas multiplier les voyages. Ce que M. Vulfranc désirait le plus, maintenant qu'il avait vu sa petite fille, c'était de sortir pour visiter ses travaux. Mais cela demanda de nouvelles précautions et imposa de nouveaux retards, car il ne voulait pas s'enfermer dans un landau aux glaces closes, mais se servir de son vieux phaéton pour être conduit par Perrine et se montrer à tous avec elle. Pour cela, il importait de choisir une journée sans soleil, aussi bien que sans vent et sans froid. Enfin, il s'en présenta une à souhait, douce et vaporeuse, avec un ciel bleu tendre comme on en rencontre assez souvent en ce pays. Et après le déjeuner, Perrine donna l'ordre à Bastien de faire atteler Coco au phaéton. « Tout de suite, mademoiselle !» Elle fut surprise du ton de cette réponse et du sourire de Bastien. Mais elle n'y prêta pas autrement attention. Occupée qu'elle était à habiller son grand-père de façon qu'il ne fût exposé à n'avoir ni froid ni chaud. Bientôt, Bastien revint annoncer que la voiture était avancée et ils se rendirent sur le perron. Perrine, qui ne quittait pas des yeux son grand-père, marchant seule, arrivait à la dernière marche quand un formidable braiement lui fit tourner la tête. Était-ce possible ? Un âne était attelé au phaéton et cet âne ressemblait à Palicard. Mais Palicard lustré, peigné, les sabots brillants, habillés d'un beau harnais jaune avec des houppettes bleues, qui continuait de braire le cou tendu et voulait venir vers Perrine malgré le groom qui le retenait. « Palicard !» Elle lui sauta à la tête en l'embrassant. « Ah, grand-papa, quelle bonne surprise !»« Ce n'est pas à moi que tu la dois, c'est à Fabry qui l'a racheté à la rouquerie. Le personnel des bureaux a voulu faire ce cadeau à leur ancienne camarade. « Monsieur Fabry est un bon cœur !» « mais oui, il a eu une idée qui n'est pas venue à tes cousins. Il m'en est venu une à moi aussi, qui a été de commander à Paris une jolie charrette pour Palicard. Elle arrivera dans quelques jours, elle ne sera traînée que par lui, car ce phaéton n'est pas son affaire. » Ils montèrent en voiture et Perrine prit les guides. « Par où commençons-nous ? » ?»« Comment par où ? Mais par l'Aumuche donc. Crois-tu que je n'ai pas envie de voir le nid où tu as vécu et d'où tu es parti ?» Elle était telle que Perrine l'avait quittée l'année précédente, avec son fouillis de végétation vierge, sans que personne y eût touché, respectée même par le temps, qui n'avait fait qu'ajouter à son caractère. « Est-ce curieux, dit M. Vulfranc, qu'à deux pas d'un grand centre ouvrier, en pleine civilisation, tu aies pu vivre là de la vie sauvage ?»« Aux Indes, en pleine vie sauvage, tout nous appartenait. Ici, dans la vie civilisée, je n'avais droit à rien. J'ai souvent pensé à cela. » Après l'Aumuche, M. Vulfranc voulut que sa première visite fût pour la crèche de Maraucourt. Il croyait la bien connaître, pour en avoir longuement discuté et arrêté les plans avec Fabry. Mais quand il se trouva dans l'entrée et qu'il vit d'un coup d'œil toutes les autres salles, le dortoir où sont couchés les enfants au maillot, dans des berceaux rosés ou bleus, selon le sexe de l'enfant, le pouponnat où jouent ceux qui marchent seuls, la cuisine, le lavabo, il fut surpris et charmé de reconnaître que par une habile distribution et l'emploi de larges portes vitrées, l'architecte avait réalisé le difficile idéal à lui imposé, qui était que la crèche fût une véritable maison de verre, où les mères vissent de la première salle tout ce qui se passait dans celle où elles ne devaient pas entrer. Quand du dortoir ils vinrent dans le pouponnat, les enfants se précipitèrent sur Perrine en lui présentant le jouet qu'ils avaient aux mains, une trompette, une crécelle, un cheval de bois, une poule, une poupée. « Je vois que tu es connu ici, » dit M. Vulfranc. « Connu ? » reprit Mademoiselle Bellhomme qui les accompagnait. « Dites un mais, adoré. Elle est une petite mère pour eux. Personne comme elle qui sache si bien les faire jouer. »« Vous souvenez-vous, » répondit M. Vulfranc, « que vous me disiez que c'était une qualité maîtresse de savoir créer ce qui est nécessaire à nos besoins ? Il me semble qu'il en est une autre plus belle encore, c'est de savoir créer ce qui est nécessaire aux besoins des autres. Et cela précisément ma petite fille l'a fait. Mais nous ne sommes qu'au commencement, ma chère demoiselle. Bâtir des crèches, des maisons ouvrières, des cercles, c'est l'ABC de la question sociale, et ce n'est pas avec cela qu'on la résout. J'espère que nous pourrons aller plus loin, plus à fond. Nous ne sommes qu'à notre point de départ. Vous verrez, vous verrez. » Quand ils revinrent dans la salle d'entrée, une femme finissait d'allaiter son enfant. Vivement, elle le redressa et le présenta à M. Vulfranc. « Regardez-le, M. Vulfranc, c'est-il un bel enfant ?»« Mais oui, c'est un bel enfant. Eh ben, il est ben à vous ?»« Vraiment ? J'en ai déjà eu trois que j'ai perdus. À qui doit-il de vivre, celui-là ? Vous voyez s'il est à vous. Dieu vous bénisse, vous et votre chère fille. » Après la crèche, ce fut le tour d'une maison ouvrière, puis de l'hôtel, du restaurant, du cercle, et en quittant Maraucourt, ils allèrent à Saint-Pipois, à Flexelles, à Bacourt, à Hercheux, et sur la route, Palicard trottait joyeux, fier d'être conduit par sa petite maîtresse, dont la main était plus douée que celle de la roquerie, et qui ne remontait jamais en voiture sans l'embrasser, caresse à laquelle il répondait par des mouvements d'oreilles tout à fait éloquents pour qui savait les traduire. Dans ces villages, les constructions n'étaient pas aussi avancées qu'à Maraucourt, mais déjà cependant, pour la plupart, on pouvait fixer l'époque de leur achèvement. La journée avait été bien remplie, ils revinrent lentement avant l'approche de la nuit. Alors, comme ils passaient d'une colline à l'autre, ils se trouvèrent dominer la contrée où partout se montraient des toits neufs alentour des hautes cheminées qui vomissaient des tourbillons de fumée. M. Vulfranc étendit la main. « Voilà ton ouvrage, » dit-il. « Ces créations auxquelles, entraînées par la fièvre des affaires, je n'avais pas eu le temps de penser. Mais pour que cela dure et se développe, il te faut un mari digne de toi qui travaille pour nous et pour tous. Nous ne lui demanderons pas autre chose. Et j'ai idée que nous pourrons rencontrer l'homme de bon cœur qu'il nous faut. Alors nous vivrons heureux, en famille. »